Je ne remettrai ni en ce monde, ni en celui qui viendra. Celui qui m'aura confessé devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père, et mes anges. Celui qui m'aura renié devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père, et mes anges. Sache ô Simon que des jours viendront, quiconque vous tuera pensera offrir une offrande en sacrifice au Seigneur. Vous deviendrez odieux auprès de tous à cause de mon nom. Quiconque mentionnera mon nom dans sa bouche, sera haï par tous les peuples. Sache ô Simon que des peuples venant de la terre du désert mépriseront mon peuple, et diront des paroles contre le Seigneur, que d'autres peuples ne disent pas. La terre sera souillée par eux. Ils fouleront mon sanctuaire, ils s'appliqueront à abolir mes lois, ils emmèneront captifs les enfants de mon peuple, et vendront les filles, et leurs mères entre eux dans des régions. Quant au vieillard qui sera fait captif d'entre mon peuple, ils le tueront, éteindront leurs mains dans son sang en pensant offrir un sacrifice au Seigneur. Voici le signe de ce peuple. Ils teindront leur barbe avec des feuilles impures. Ils domineront la mer, et le second, l'empire même leur sera donné. Le monde sera détruit sous leurs mains, et la beauté anéantie. Ce jour-là le soleil et la lune pleureront à cause de ce qui viendra dans le monde par suite des œuvres de ce peuple. Il y aura des miracles manifestes dans les étoiles. La sagesse des sages sera anéantie, car ces gens se feront eux-mêmes sages, et prophètes, ils céderont entre eux touchant leur foi impure. C'est la verge de colère qui viendra de la région des ténèbres, de la tribu de Kédar. Ils changeront ma doctrine, mais ne pourront pas changer entièrement. Beaucoup de mon peuple s'égareront. Bienheureux ceux qui s'éloigneront d'eux, et ne les suivront pas. Vraiment je dis, les montagnes et les collines pleureront alors, les fleuves deviendront secs, les villes seront détruites, et celles qui auront été détruites seront bâties. Ces fils de perdition se moqueront de mes élus, ils diront qu'ils ont un père à l'image de mon père. Pendant tous les jours de leur vie, ils seront raides du cou, ils s'établiront maîtres sur les rois, ils s'aimeront entre eux. Ils s'entraideront de haine contre tous ceux qui croiront en mon nom. Les peuples fuiront devant eux. Dans leurs jours, ma loi et mon droit seront abolis, mais moi je me trouverai avec ceux qui croiront en moi, et je ne les abandonnerai pas jusqu'à la fin du monde. 3. Lorsque Jésus eut achevé ce discours, Simon lui dit : Mon Seigneur, voici que le soir est arrivé. Et la nuit vient, nous nous trouvons dans le désert, sans endroit où passer la nuit. Que penses-tu faire? Ne sais-tu pas, ô Simon, que le jour est à moi, la nuit est à moi, que je prends dans ma main le monde entier, comme a prophétisé mon élu David. 4. Nous sommes près de Yerushalayim. Entre en ville, ô Simon, à ton entrée tu trouveras un vieillard qui prend une brebis. Lorsque tu le verras, dis-lui. Notre maître veut demeurer chez toi. Aussitôt il te fera voir un endroit qui est prêt pour nous d'y demeurer. Aussitôt Simon entra dans Yerushalayim avec ses compagnons les disciples. 5. Quand Jésus dit, entre en ville à Yerushalayim, il se trouvait alors dans le désert de Jéricho. Leur étonnement fut grand, et ils se dirent entre eux. Ne nous trouvions-nous pas dans le désert de Jéricho tout à l'heure? Comment sommes-nous arrivés à la ville de Yerushalayim en un clin d'œil? Ils glorifièrent le Seigneur qui peut tout. 6. Entrés en ville, ils trouvèrent un homme qui connaissait la loi, et qu'on appelait Gamaliel, et avec lui une brebis. Simon lui déclara tout ce qu'avait dit Jésus. Lui-même introduisit chez lui Séphas avec ses compagnons les disciples. Il fit des lits pour eux dans un endroit spacieux et propre, et leur dit : Cet endroit est convenable pour votre maître. 7. Il partit pour aller au-devant de Jésus, qu'il trouva assis au mont des Oliviers. Il lui demanda d'entrer chez lui avec lui. « Ô mon Seigneur, entre dans ma maison, car ton serviteur attend ta paix. Ne tarde pas d'entrer afin que je ne sois pas privé de ta paix pure. » 8. Jésus alla avec Gamaliel, et entra chez lui. Gamaliel était le frère de Nicodème. Quand Jésus regarda les colonnes de la maison, elles verdoyèrent, et devinrent fraîches. Gamaliel et Nicodème son frère regardèrent, et furent étonnement stupéfaits. 9. Ô Gamaliel, ne t'étonne pas de ce miracle, dit Jésus. J'ai fait voir au peuple d'Israël de plus grand que celui-ci, et après avoir vu, ils n'ont pas du tout cru en moi, avant mon retour dans ma gloire de qui je ne suis pas séparé. Ô Gamaliel, bienheureux ceux qui auront cru en moi. Sache ô Gamaliel qu'il te faudra devenir martyr à cause de mon nom. Que ta joie soit grande, car ton nom est inscrit dans le royaume des cieux. 10. Quant à vous, dit-il à ses disciples, je vous ai choisi avant les temps, avant de faire les cieux et la terre. Désormais réjouissez-vous, et sachez que pas un seul des cheveux de votre tête ne se perdra. Cependant il y a, parmi vous un 7 ans. 29e miracle. 1. Le lendemain Jésus alla au mont des Oliviers avec ses disciples Jean et Jacob, les fils de Zébédée. 2. Lorsque Jean et Jacob virent le temple, ils lui dirent « Comme ce temple est beau! Vraiment je vous dis qu'il ne sera pas trouvé en ce temple à pierre sur pierre. Voici, des peuples viendront de l'Orient et de l'Occident s'asseoir à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quant aux fils de ce royaume, on les chassera, on les fera sortir dehors, et une grande affliction les atteindra, mais les gentils se réjouiront. Vous aussi disciples, voici que des jours arriveront pour vous où quiconque fera contre vous un mal, et vous tuera croira qu'il ne vous a pas tué mais qu'il fait du bien. On vous livrera au roi, et au juge, et on vous tuera à cause de mon nom. Tous les peuples vous haïront. Lorsque vous vous tiendrez auprès des rois et des juges, ne pensez pas à ce que vous déclarerez, ni à ce que vous direz, car l'Esprit Saint qui demeure en vous parlera par vous, et s'exprimera par votre langue afin de confondre les gens à votre sujet. En ces jours-là le frère livrera le frère à la mort, et le père ses enfants. Aussi les enfants se lèveront contre leurs parents, et les tueront. Mais à celui qui prolongera sa patience, celui-là sera sauvé. Soyez donc patients, car on a pareillement persécuté les prophètes, vos prédécesseurs. Bienheureux, vous que les peuples ont persécuté, ont outragé, contre qui ils ont proféré des paroles mensongères à cause de mon nom. Il vous faut vous réjouir, car sachez que votre récompense sera grande dans les cieux. Bienheureux, vous fils du royaume du Seigneur. Bienheureux, vous héritiers des délices. Bienheureux, car les rois et les juges de la terre vous honoreront. Bienheureux, car toute puissance sera abolie de la terre, et il ne restera que votre puissance. 3. Quant aux fidèles qui se convertissent à ta foi par notre intermédiaire, qui les jugera? Dirent les disciples. Moi-même je jugerai les fidèles, et je ne donnerai pas leur jugement à un autre, car ils ont mangé ma chair, et bu mon sang avec foi. Car quiconque mangera ma chair, et boira mon sang avec une foi pure, je serai à lui, il sera moi, et je le ressusciterai au dernier jour pour la vie éternelle. Il n'approchera pas du supplice, mais je le ferai hériter la vie éternelle qui n'a pas de fin. je jugerai puisque je leur ai laissé ma chair. Sachez que le Père ne jugera personne, il a livré tout jugement à son Fils, qui pardonnera à qui il voudra, et condamnera à qui il voudra. Sachez que des jours viendront où quiconque écoutera la parole du Fils du Seigneur vivra à jamais. Celui qui fera des bonnes œuvres héritera des délices éternels, mais celui qui en fera de mauvaises n'héritera pas des délices éternels. Pour ceux qui croiront, leur place sera dans le royaume des cieux. 7. Lorsque les disciples eurent entendu cela, ils lui dirent : Seigneur, quand le jour du jugement viendra-t-il ? Quant au jour du jugement, personne ne le connaît, ni son heure, sauf mon Père dans les cieux. 30e miracle. 1. Jésus dit à ses disciples : Sachez que le royaume des cieux est proche. Cherchez la voie étroite, et délaissez de vous la voie large. Car beaucoup d'appelés, et peu d'élus. 2. Yahya baptisait dans le fleuve du Jordan quiconque venait vers lui des enfants d'Israël. Il disait à ses disciples : Le Seigneur m'a dit, alors que je me trouvais dans le sein de ma mère, de baptiser les hommes dans le Jourdain pour la purification, et si je voyais l'eau venir, et revenir en arrière, et devenir chaude, il me faudrait savoir qu'est venu l'agneau du Seigneur au sujet de qui les prophètes ont prophétisé, qu'il est venu dans le monde afin d'effacer les péchés de ses bien-aimés, et qu'il doit venir vers moi pour être baigné. 3. Un jour que Yahya baignait des gens dans le Jourdain, il vit le fleuve du Jourdain venir, et revenir derrière lui, et l'eau devenir aussi chaude que si on l'avait fait chauffer au fer. Quant à lui, il retira sa main de l'eau, et dit : Voici qu'est venu l'agneau du Seigneur qui ôte les péchés du monde. Il est venu dans le monde après moi mais il était avant moi, et tout a eu lieu par lui. Pour moi je ne suis pas digne de me baisser, et délier la courroie des chaussures de ses pieds. » Puis il cria : « Ô Seigneur, sois clément vers ton serviteur, fils de ta servante. Instruis-le de tes mystères de ton fils, car tu es le Seigneur vivant éternel. » 4. Lorsque Jésus eut fini de déclarer à ses disciples au sujet du jugement, il leur dit : Venez, allons au Jourdain entendre la parole du héros qui prêche l'avènement de ma voix, vous verrez là la lampe du désert. Venez, allons vers l'étoile lumineuse. Vraiment je vous dis, personne de la progéniture de femme n'est plus grand que Yahya le baptiseur, et son œuvre est comme celle du prophète Élia. Aujourd'hui je briserai le malin, j'abolirai sa puissance, et je le perdrai dans les eaux. Aujourd'hui les eaux de la terre seront sanctifiées. Aujourd'hui la prophétie des prophètes s'accomplira. Aujourd'hui la mer me verra, et fuira. Aujourd'hui le Jourdain me verra, et retournera en arrière. Aujourd'hui le pouvoir du diable sera aboli. Aujourd'hui le monde brillera. Aujourd'hui notre Père Adam sera rénové. Aujourd'hui le péché d'Ève, la mère de tous les humains, sera effacé. Aujourd'hui je vous manifeste ma souveraineté, et je vous ferai entendre la voix de mon Père. Aujourd'hui je vous ferai voir la force du Saint-Esprit. Aujourd'hui le mystère de la Trinité vous sera révélé. Aujourd'hui les montagnes et les collines bondiront comme des agneaux. Aujourd'hui tous les peuples se réjouiront et applaudiront de leurs mains. Aujourd'hui Yahya, le fils de la stérile, me verra et son cœur se réjouira. Aujourd'hui tous les affligés de cœur seront guéris. Aujourd'hui la lumière viendra pour ceux qui demeurent dans les ténèbres. Aujourd'hui je délivrerai mes semblables qui demeurent dans le Sheol. Aujourd'hui les portes des cieux s'ouvriront. Aujourd'hui les premiers se trouveront en arrière, et les derniers en avant. Aujourd'hui vous connaîtrez qui je suis, et d'où je suis venu. Aujourd'hui le Jourdain exultera avec tous les fleuves. Aujourd'hui les cieux et la terre brilleront, l'eau amère deviendra douce, et les assoiffés s'abreuveront d'eau douce. Aujourd'hui je rénoverai mes créatures. Aujourd'hui le soleil donnera sa lumière. Ce jour-ci est le jour du Seigneur que le prophète a mentionné. 5. Lorsqu'il eut achevé son enseignement à ses disciples, il parvint à Béthania, qui se trouve entre Yerushalayim et le Jourdain, et ils passèrent la nuit chez Élazar. 6. Le matin ils vinrent au fleuve du Jourdain. Quand Yahya vit le Seigneur Jésus, il cria à haute voix. Voici l'agneau du Seigneur qui ôte les péchés du monde. Celui-ci est le Fils du Seigneur, qui est venu pour notre salut. Celui-ci est le roi de gloire au sujet de qui Zacharia a prophétisé. Lui sans péché, l'unique du Seigneur éternel. 7. Le Seigneur Jésus appela Yahya, et lui dit, « Il te faudra aujourd'hui accomplir la loi, et devenir témoin que tu as vu ma puissance. Lève-toi, et baigne-moi, car le moment du bain est venu. Pour moi il me faut être baigné par toi. Pourquoi es-tu venu afin d'être baigné toi-même par moi alors que je suis ton serviteur ?» répondit Yahya. Ô Yahya, il te faut te réjouir de mon bain par moi, et ne pas avoir peur. Sache que toi tu poseras ta main sur ma tête, moi je me baignerai moi-même. Toi, pose ta main sur ma tête, et moi je me sanctifierai moi-même. Ô Yahya, ne conteste pas mon ordre, pour lequel je suis venu dans le monde afin d'accomplir la loi, et les prophètes qui ont prophétisé à mon sujet. 8. Lorsque le Seigneur Jésus vint au Jourdain, et que le Jourdain le vit, il revint, et retourna en arrière de 40 coudées, 20 mètres. Son eau devint comme des charbons de feu. Jean l'évangéliste dit. Vraiment je vous dis, moi-même j'ai vu le Jourdain retourner en arrière, et fuir devant le Seigneur Jésus. 9. Lorsqu'il fut retourné, notre Seigneur le sermonna. Tiens-toi à ton lieu au moment de mon bain, et ne fuis pas. Alors l'eau revint, et se tint afin que s'accomplisse la parole du prophète David. Les eaux t'ont vu, et ont eu peur. De plus il a dit. Pourquoi mer as-tu fui, et toi aussi Jourdain es-tu retourné en arrière ? David dit ceci en prophétisant au sujet de la fuite de la mer devant la face du Seigneur Jésus qui est venu juger le monde avec sagesse. 10. Quand Yahya vit la fuite du Jourdain, sa retenue en arrière, et son retour à son premier lieu par ordre de notre Seigneur, il trembla d'un grand tremblement, et se prosterna devant le Seigneur Jésus, et dit. Ô Seigneur, et Dieu, sois clément vers ton serviteur, fils de ta servante. Tu es le Seigneur, et je suis le serviteur, tu es le roi, et je suis le ministre. Toi le Créateur, moi le Créé, toi l'Auteur, moi le Formé. Toi la force céleste, moi le faible terrestre, ne le force pas à poser sa main sur sa tête, car il ne faut pas que le Seigneur s'humilie sous son serviteur. Car tu es le Fils du Seigneur, et je suis le Fils de l'homme. Fais tout ce que je t'ai ordonné, car il te faut faire cela, lui dit Jésus. 11. Jésus Messie descendit dans le Jourdain, défit ses habits, et se tint au milieu des flots où se trouvaient beaucoup de gens venus se faire baigner par Yahya. Jésus appela Yahya, et lui dit « Fais comme je t'ai ordonné. » 12. Yahya alla en tremblant, et posa sa main sur la tête de Jésus. Levant sa tête, il vit le ciel fendu, et l'Esprit Saint descendre sous forme d'une colombe, et demeurer sur la tête de Jésus Messie. Il entendit la voix du Père déclarer « Voici mon Fils que j'aime, en qui je me plais. Voici mon Fils par qui j'ai fait tous les cieux, et la terre. Voici mon Fils qui a été engendré avant les temps, et les jours. Voici mon Fils qui n'est pas séparé ni désuni de moi. Voici mon Fils véritable comme moi. » 13. Lorsque les disciples entendirent du ciel ces paroles, leur foi grandit et s'affermit. Ces paroles furent entendues de Yahya le baptiseur, de ses disciples, et de tous les gens qui se trouvaient là. Ils crurent en Jésus le Messie. Yahya parla ouvertement, et devint un témoin sincère, disant « J'ai vu l'Esprit Saint du ciel descendre, et demeurer sur la tête du Seigneur Jésus. Et j'ai entendu la voix du Père, qui vint témoigner de son Fils. » 14. Lorsque Jésus sortit du Jourdain, après avoir accompli le bain, de nombreux anges du ciel descendirent le porter avec leurs ailes, et le tirèrent du Jourdain, puis ils l'honorèrent ensemble. 15. Le Seigneur Jésus partit avec ses disciples du Jourdain jusqu'à ce qu'ils entrent à Yerushalayim. De là il envoya ses disciples au pays d'Ammon et de Moab afin d'appeler les gens à la foi du Messie Jésus. 16. Lorsque Satan eut vu ce qui avait eu lieu au Jourdain, et eut entendu que Yahya devint témoin que le Seigneur Jésus était le Fils du Seigneur, alors Jésus alla au désert, quand ses disciples furent séparés de lui. Lorsque Jésus sut qu'il le cherchait, et le vit, il monta en haut d'une montagne qui se trouvait là. Satan aussi monta au sommet de cette montagne, et lui dit « Vois les royaumes du monde entier qui sont à moi, que je te donnerai si tu m'adores. » Il est écrit « Il faut adorer le Seigneur seul, et le servir lui seul. » 17. Jésus revint au désert, car il savait d'avance que Satan le tenterait par la faim. Il jeûna lui-même, sans nourriture pendant 40 jours et 40 nuits. Alors Satan vint vers lui dans le désert, et dit « Si tu es le Fils du Seigneur, dis à ces pierres de devenir pain, car je sais que tu as faim. » Voici il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur Dieu. » 18. De plus le Seigneur Jésus savait d'avance que Satan voulait le tenter au-dessus de l'autel de Yerushalayim. Jésus le précéda, et monta là. Satan aussi monta à l'endroit des cornes de l'autel, et lui dit « Si tu es le Fils du Seigneur, comme Yahya fils de Zacharie a témoigné, précipite-toi du haut de ce temple, et jette-toi en bas comme l'écrit « Ordonne à ces anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies, et t'élever par les mains afin que la pierre ne blesse pas tes pieds. Tu chevaucheras le loup, et le dragon, et tu fouleras le lion, et le dragon. » 19. Aussitôt le Seigneur Jésus fit voir à Satan sa gloire, et lui dit « Il est écrit « Ne tente pas le Seigneur ton Dieu. » Alors Satan le laissa, et s'enfuit, et les anges approchèrent pour le servir. 20. Après qu'il eut été tenté par Satan, Jésus alla au territoire de Galile afin que s'accomplisse la parole du prophète qui a dit aux gens de Galile qui demeurent dans les ténèbres, une grande lumière s'est levée sur eux.